Le porte-parole du comité coréen pour la paix en Asie-Pacifique a publié le 17 novembre un entretien qui dit « Le 27 octobre, juste après les scandales de Pakune et de Chesun-sil, les traîtres sud-coréens ont annoncé la reprise de la conclusion d'un accord sur la protection des renseignements militaires avec le Japon. Le 1er et le 9 novembre, à Tokyo et à Séoul, ils ont tenu des réunions de travail avec les samouraïs et discuté des contenus principaux de l'accord. Le 14, à Tokyo, ils ont tenu la troisième réunion de travail et signé l'accord provisoirement. En 2012, le pouvoir de Lee Myung-bak a fait passer en secret à la réunion des ministres l'accord en question avec le Japon, mais il a été contraint de l'annuler face à la protestation de tous les milieux sud-coréens. Plus tard, les fantoches ont eu plusieurs débats de travail pour la copropriété des renseignements militaires relatifs à notre pays avec les États-Unis, le Japon et autres. En décembre 2014, a été conclue la Convention sur la protection des renseignements militaires entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, à condition d'échanger les informations avec le Japon par l'entremise des États-Unis. Mais la bande de Pakune s'est acharnée pour la conclusion de l'accord sur la protection des renseignements militaires avec le Japon, en prétendant la conversion du mode d'échange indirect en direct. Récemment, elle remue ciel et terre pour la conclusion aussi vite que possible sous prétexte de la menace de notre nucléaire et de nos missiles. Au cas de la conclusion de l'accord entre les fantoches sud-coréens et le Japon, la constitution de l'alliance militaire tripartite américano-nippo-sud-coréenne de nature agressive et l'établissement du système de défense antimissile des États-Unis seront accélérés et une garantie juridique sera offerte aux réactionnaires japonais qui guettent l'occasion de régression de participer à la provocation d'une guerre contre la République populaire démocratique de Corée. Et la Corée du Sud sera réduite complètement en colonie des États-Unis et du Japon et en base avancée de l'agression. La réalité montre que si on laisse Pakune en vie, même un seul jour de plus, elle ne causera que malheur et souffrance à la nation. Tous les Coréens et tous les peuples épris de paix du monde sont appelés à empêcher la conclusion de l'accord en question, à asséner un coup foudroyant à la bande de Pakune qui se démène désespérément et à assurer la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et au nord-est asiatique.